Activité 2, page 50, piste 38. Allô. Bonjour monsieur, je m'appelle Emma. J'aimerais avoir des informations sur le concours de lecture. Bonjour Emma. Qu'est-ce que tu veux savoir? Le concours? C'est ce samedi? Oui, à 9h et il finit à 11h. Comment je fais l'inscription? Tu dis à ton professeur. Il va faire l'inscription pour toi. Quel livre je peux choisir? Un texte de ton livre de français. C'est super. Merci beaucoup.